Thaïlande. Mon sac à dos sur le dos, je me demande si le voyage est long, vais-je péter un plomb? J'ai pris des livres et aussi des chansons. Décor paradisiaque en Thaïlande. De mon bungalow bleu, je me laisse surprendre. Assise face à la mer, sous les cocotiers verts, ça me fait chier de ne pas avoir de bière. Baignade dans les cascades en Thaïlande. Sympa, mais les poissons me bouffent les jambes. Je me tais, je m'émerveille devant le coucher du soleil. Dans ma petite barque, je regarde le rose du ciel. Sorte de salamandre, un gros requin baleine, un taille et sa machette. Oui, je le dis sans peine, j'ai les miquettes. Soirée sympa à boire en Thaïlande. Bon, je finis torché sur l'île de ma chambre. Ici ou bien là-bas, l'alcool ne pardonne pas. À force de boire, ça m'a coûté un bras. Retour un jour de mai de Thaïlande. La France a bien changé, j'ai bien les glandes. Mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais dû rester là-bas. Mais y'a les potes et ça, ça ne s'emmène pas. Mais qu'est-ce que je fous là? J'aurais dû rester là-bas. Mais y'a les potes ici et ça, ça ne s'emmène pas.